Le porte-parole du Comité central de l'Union socialiste des femmes de Corée a publié le 24 une communication qui dit notamment « Park Geun-hye est chassé de la présidence selon le jugement sévère de l'histoire, se conduit de façon effrontée au lieu de présenter ses excuses pour ses forfaits, ce qui scandalise le monde. » Le 21 mars, lors de sa présence au parquet, elle a renié complètement la tête haute ses forfaits déjà mis au grand jour, en disant qu'elle ne se rappelle pas les détails. Au terme de l'investigation en route vers sa maison, elle a même fait des plaisanteries loin de sangloter, ce qui a surpris les gens. À ce propos, les presses et couches sociales de tous les paliers sud-coréens ont exprimé de l'indignation en ces termes. Ce n'est pas la mine d'une vaincue devenue femme ordinaire, mais celle de la triomphe après son mandat. Message rejetant la décision de sa destitution, elle a du culot et vraie physionomie démoniaque. Ce qui est plus surprenant, c'est que Park Geun-hye, qui doit passer le temps au repentir et à l'expiation devant l'enfer, s'affaire ces jours-ci à convoquer les coiffeuses pour se farder tous les matins. Nous condamnons vertement l'effronterie de Park Geun-hye qui se défie au jugement de l'histoire et de la nation en ternissant l'image noble et belle des femmes et supprimant à jamais son nom infâme sur la liste des femmes coréennes au nom de toutes les femmes coréennes. Nous condamnons également la bande des conservateurs invétérés qui cherchent à couvrir les crimes de la traîtresse et font tout pour renverser le jugement de l'histoire en se cramponnant à la jupe de Park Geun-hye agonisante. Les femmes sud-coréennes et autres populations doivent enterrer le plus tôt et pour toujours Park Geun-hye, scélérate criminelle, première sorcière et déchet humain sans précédent, qui a foulé aux pieds la justice et l'opinion du peuple et insulté la belle vertu noble des femmes coréennes pour troubler le monde, ainsi que sa bande téméraire.